C'est la saison, c'est la saison. La rouille envahit les masses. La rouille ronge à leurs splines kilométriques les fils télégraphiques des grandes routes où nul ne passe. Les corps, les corps, les corps, mélancoliques, mélancoliques, s'en vont, changeant de ton et de musique, tonton, tontaine, tonton. Les corps, les corps, les corps, s'en sont allés au vent du nord. Je ne puis quitter ce ton, que d'écho. C'est la saison, adieu vendange. Voici venir les pluies d'une patience d'ange. Adieu, vendange, et adieu, tous les paniers, vateaux débourrés sous les marronniers. C'est l'atout dans les dortoirs du lycée qui rentre, c'est la tisane sans le foyer, la phtisie pulmonaire attristant le quartier, et toute la misère des grands centres.